Abraham avait un fils, Isaac. Isaac, à son tour, eut deux enfants. Des jumeaux, Ésaü et Jacob. La vie, pleine d'aventures de ces patriarches, nous est racontée dans la Bible, au livre de la Genèse. On apprend, au chapitre 35, que Dieu apparut à Jacob pour lui dire que désormais, il portera le nom d'Israël et que sa descendance deviendra une grande nation. Jacob avait 12 fils. Et le petit dernier s'appelait Benjamin. Sa maman, Rachel, était morte en le mettant au monde. Quant à l'avant-dernier, il s'appelait Joseph. C'était le fils préféré de Jacob. Et voici son histoire. Au temps où Dieu parlait aux hommes dans leurs rêves, Joseph raconte celui de la dernière nuit. 12 gerbes de blé se baissent et se relèvent. 12 étoiles dans le ciel s'inclinent devant lui. Il veut nous commander, nous qui sommes ses frères. Mais pour qui se prend-il, ce petit prétentieux? Alors sans plus attendre, ensemble ils décidèrent de le faire disparaître pour toujours de ces lieux. Ils s'emparèrent de Joseph et le jettent dans un puits. Quelque temps plus tard, une caravane de marchands vint à passer. Ils sortirent Joseph de son trou et l'échangèrent contre 20 sicles d'argent. Les frères de Joseph racontèrent à Jacob, leur père, que son fils préféré avait été dévoré par un léopard. Quant à Joseph, arrivé en Égypte et vendu comme esclave à un serviteur de Pharaon, il fut chargé de s'occuper de sa maison. Souvent, le soir, on entendait Joseph chanter. Et son chant, tel une longue plainte, disait à peu près ceci. Je suis un étranger dans ce pays lointain. Je n'ai pas d'avenir. Je vis comme un esclave, point lié. Au fil du temps qui passe, que vais-je devenir? Mon maître j'ai servi, sans repos ni répit, jusqu'au jour où sa femme a voulu m'embrasser. Refusant ses avances, elle m'a dans son dépit accusé faussement de l'avoir agressé. Putiphar. Putiphar, quel drôle de nom. Oui, Putiphar, le maître de Joseph, crut sa femme et jeta son esclave en prison. C'est dans cette prison que Joseph rencontre deux autres prisonniers. Le grand échanson, celui qui s'occupe du vin que l'on sert à Pharaon. Et le grand pantier, celui qui a la responsabilité du pain. L'un et l'autre avaient trahi la confiance de leur maître. Un matin, ils racontèrent leurs rêves à Joseph qui les interpréta. C'est le grand échanson qui prit d'abord la parole. Je pressais dans une coupe 3 grappes de raisin, afin que Pharaon puisse boire, dit l'échanson. 3 jours lui dit Joseph, 3 soirs et 3 matins. Alors tu franchiras les murs de cette prison. Je portais sur ma tête 3 corbeilles de pain blanc que les oiseaux du ciel s'arrachaient en vautours. Toi le grand panetier, il en va autrement. Dans 3 jours Pharaon te pendra haut et court. Voilà ce que dit Joseph au grand panetier et au grand échanson. 3 jours plus tard, Pharaon, pour son anniversaire, libéra l'échanson et condamna le panetier à la pendaison. Joseph resta encore de très longues années en prison. Avant que par hasard, Pharaon apprenne que dans ses geôles, un vagabond des sables, un hébreu, interprétait les songes. Il demanda à ce que Joseph vienne à la cour, lui expliquer celui qui hantait ses nuits et transformait ses rêves en cauchemars. « Écoute, Joseph, lui dit Pharaon, explique-moi pourquoi. J'ai vu sortir du Nil cette vache toute maigrichonne, et qui ont dévoré cette vache bien grassouillette. J'ai vu cette beau épi que le printemps façonne se faire avaler par des graines maigrelettes. Tu verras sur l'Égypte cette année d'abondance, ensuite surviendront cette année de famine. Ton rêve prémonitoire te laisse une dernière chance. Il faut te préparer pour éviter la ruine. Pharaon prend conscience qu'il n'y a pas un instant à perdre et sur le champ, il nomme Joseph Premier ministre. Car lui seul a été capable d'interpréter son rêve et surtout de le conseiller sur ce qu'il devait faire pour sauver son peuple d'une mort certaine. Joseph organisa le pays d'Égypte pour que pendant 7 années, on fasse des provisions dans d'immenses réserves qu'il fallut construire. 7 années pendant lesquelles la terre a donné à profusion. Joseph entassa le froment comme le sable de la mer dans tellement de greniers que personne à l'époque ne put les compter. Et comme prévu, la famine arriva. Toute l'Égypte fut touchée. L'Égypte et tous les pays environnants. Chaque ville, chaque village, chaque tribu, chaque famille venait trouver Joseph pour lui demander du blé. Un jour, eux aussi atteints par la famine, les fils de Jacob se présentèrent devant lui. Aucun d'eux ne reconnut Joseph. Trop de temps s'était écoulé depuis qu'il l'avait vendu par jalousie à des marchands de passage. Trop d'années étaient passées depuis que le frère qu'il détestait était devenu le bras droit de Pharaon. Nous sommes des Hébreux, la tribu d'Israël, et nous venons mendier le grain de tes greniers. Joseph les reconnut, leva les yeux au ciel et leur dit méchamment : vous êtes mes prisonniers. Vous êtes des espions, je garde un de vos frères. Il sera mon otage, reprenez le chemin. Voici des sacs de blé, ils sont pour votre père. Et quand vous reviendrez, je veux voir Benjamin. Jacob ne voulait pas laisser partir Benjamin, son dernier fils. Mais la famine continuait, et les réserves, une fois encore, étaient épuisées. Alors contraint et forcé, Jacob laissa partir Benjamin, qui avec ses frères, se rendit de nouveau chez Joseph. En l'honneur de Benjamin, Joseph organisa une grande fête, un grand festin. Les fils d'Israël ne comprenaient rien. Mais pourquoi cet homme qui les accuse d'être des espions organise pour leur jeune frère une aussi belle fête ? Au cours du festin, Joseph cacha sa coupe en or dans les affaires de Benjamin afin de l'accuser de vol et de le garder pour toujours auprès de lui comme esclave. Mais Joseph eut pitié de son vieux père, le vieux Jacob, qui, après avoir supporté la mort de son fils préféré, devra connaître une fois encore l'épreuve de la séparation et ne plus jamais revoir son fils dernier-né, Benjamin. Joseph, les yeux baignés de larmes, se jeta au cou de Benjamin en disant « Approchez-vous, mes frères, voyez, je suis vivant. Vous me vouliez du mal, je veux pour vous le bien. Mon cœur n'a pas de haine, notre Dieu simplement m'a envoyé devant, préparer le chemin. Demain vous partirez, chercher mon père là-bas. Avec lui vous viendrez, vous installer ici. Et nous vivrons ensemble, plus rien ne divisera le peuple d'Israël que Dieu a réuni. »